Affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, et nous recevons Laurent Mauduit, bonjour. Bonjour. Journaliste enquêteur, ce qui veut dire la même chose, sauf que certains enquêtent plus que d'autres, et mieux que d'autres. Et vous avez écrit deux livres sur cette affaire, dont le dernier est intitulé Tapie, le scandale d'État chez Stock. Alors, on reviendra au début de l'affaire, mais je vais commencer par la fin, si vous voulez bien. Donc on voit bien que l'affaire n'est pas close, hein, elle est en cours. Ouais. À quoi peut-on s'attendre maintenant? Quelles sont les étapes judiciaires qui arrivent? Écoutez, il y a beaucoup de procédures en cours, hein. Il y a une procédure au civil. En clair, l'État cherche à faire annuler la sentence et à récupérer les 405 millions d'euros. Donc ceci va être plaidé devant la Cour d'appel de Paris le 25 novembre. Et ce sera sans doute mis en délibéré, donc on connaîtra la décision au début du mois de janvier, sans doute 2015. Est-ce qu'on récupère ou pas ces 405 millions d'euros? Est-ce que les contribuables le récupèrent? Il y a une procédure pénale que vous connaissez, donc il y a trois juges d'instruction qui sont saisis, qui ont mis en examen six personnalités, vous les avez citées tout à l'heure, l'un des arbitres, Pierre Estoupe, Bernard Tapie, son avocat, l'ancien patron du CDR, le consortium de réalisation, voilà. Je pense que les juges d'instruction sont pas très loin d'arriver au terme de leurs investigations, donc on saura dans les mois qui viennent, dans l'ordonnance de renvoi qu'ils prennent les décisions. En clair, est-ce que tous ces gens-là vont aller devant un tribunal correctionnel pour être jugés? Il y a une troisième procédure devant la Cour de justice de la République. Problème, est-ce qu'on est dans une juridiction... Christine Lagarde. Christine Lagarde, voilà, hein, qui sûr. A été mis en examen pour négligence. L'incrimination est surprenante. Ah, pardon, par négligence, j'ai laissé tomber 405 millions d'euros. Voilà, puis il y a d'autres procédures. Il y en a une qui était... le jugement était rendu devant la Cour des comptes. Le comptable public a été jugé. Voilà. Il y a beaucoup d'autres procédures annexes, mais celles-ci sont les principales. Alors, vous dites dans votre livre, cette phrase m'a interpellé, ce récit invite aussi à une réflexion sur les règles opaques qui régissent le capitalisme français et rongent notre démocratie. Alors, on rappelle qu'il s'agit 405 millions d'argent public à l'époque, hein, car aujourd'hui le Crédit Lyonnais est une banque privée, mais les 405 millions sont constitués de l'argent public. En quoi cela ronge notre démocratie? Parce que c'est l'intérêt du récit que vous venez de faire. Hein. Tapie, j'ai toujours trouvé, moi comme journaliste, que il peut y avoir des irrégularités, même des fraudeurs, mais la vraie, je trouve, l'intérêt d'une histoire de ce genre, c'est voir s'il y a une fraude, qu'est-ce que ça dit des garde-fous dans un état de droit? À quel moment est-ce que l'état de droit fonctionne bien ou dysfonctionne? Et l'intérêt de Tapie, c'est qu'il fonctionne comme une espèce de miroir, parce que, vous l'avez dit, l'affaire s'étale sur 25 ans. Hein, de 1990 à aujourd'hui. Et donc ça dit beaucoup de choses des années sombres de la fin du second septennat de François Mitterrand. L'affairisme, l'affaire Tapie n'est pas la seule manifestation. Oui, l'affairisme rose, quoi. L'affairisme rose. La fin crépusculaire du deuxième mandat de François Mitterrand, même du milieu. Le délit d'initié de Péchiné, oui. Beaucoup d'autres affaires que vous connaissez. C'est l'époque, hein, l'époque, les socialistes eux-mêmes, parlant d'eux, parlent des années fric. Voilà, il y a une scène de corruption. Et on a beaucoup pensé à cette époque que ces systèmes de connivence, j'appelle ça le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, on se prend des services mutuels. Le système de consanguinité entre les politiques et les affaires allait se dissoudre dans la mondialisation et l'avancée de l'Europe. Or, il y a une sorte, c'est pour ça que je parle d'effet de miroir de Tapie, on voit les mêmes systèmes à l'œuvre sous Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est ça l'aspect stupéfiant de l'affaire Tapie, c'est qu'on voit que la France reste... une démocratie assez malade avec un état de droit qui dysfonctionne à chacune des étapes. Et c'est pour ça que votre récit a cet intérêt. C'est qu'en fait, les choses ont assez peu changé. On voit des dysfonctionnements assez proches, assez similaires dans les années 90-93, au début de l'histoire Tapie, et ensuite sous le septennat Nicolas Sarkozy. Alors, on va passer maintenant à la procédure arbitrale, hein, parce que ça a surpris tout le monde, quand même, cette procédure-là. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui était persuadé que l'arbitrage était une bonne solution, c'est l'ancienne ministre des Finances, Christine Lagarde. Alors, on va l'écouter, juste une minute, quelques mois après sa décision d'avoir commandé cet arbitrage dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Elle le justifie de cette façon. Pourquoi on est allé devant un tribunal arbitral? On était en présence de douzaines de procédures qui duraient depuis plus de 15 ans, qui véritablement coûtait une hémorragie d'honoraires à l'État. Plus de 10 millions d'euros ont déjà été consacrés à la défense du CDR dans ces affaires Tapie. Alors il y a un moment où il faut savoir aussi tourner la page, à condition que ce soit de bonnes conditions. L'avantage de l'arbitrage, c'est qu'il met fin à toute une série de procédures. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les procédures, les parties conviennent, d'éteindre tout, et surtout, ce qui était important dans cette affaire, c'est qu'elles acceptaient de limiter leurs demandes. Avec toutes les procédures, on avait en face de nous des liquidateurs, différentes sociétés qui demandaient à l'État plus de 3 milliards d'euros. Dans l'arbitrage, elles ont accepté de diminuer le montant de leurs demandes et de les plafonner à 300 millions d'euros. Premier avantage. Deuxième avantage, les arbitres ont jugé en droit. C'est-à-dire qu'ils ont examiné l'ensemble des décisions, y compris la décision de la Cour de cassation, dont M. Bayrou dit qu'elle est favorable. Elle est favorable sur de tout petits aspects et sur une seule procédure. Ce que je sais, c'est deux choses. Un, l'essentiel et une grande partie va revenir dans les caisses de l'État. Et deux, en ce qui concerne le traitement fiscal de ces sommes, qui doit encore être en débat, je demanderai aux services de l'État, et Éric Woerth est parfaitement d'accord avec moi sur cette approche, le traitement le plus rigoureux et le plus protecteur des deniers de l'État pour qu'il n'y ait pas du tout de traitement de faveur. Bon, alors ce plaidoyer pour l'arbitrage montre que Christine Lagarde n'a pas été très inspirée sur ce coup-là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas très, pas très convaincant. Elle n'est pas inspirée, mais en plus elle est de mauvaise foi, et je peux étayer ce que je dis, est sévère, mais je peux l'étayer. Il y a d'abord un problème de légalité. Est-ce que, dans un état de droit, est-ce qu'on peut aller à un arbitrage, qui est par principe est confidentiel, quand il en va des finances publiques? Vous savez que l'article 14... de la Déclaration des droits de l'homme édicte un principe de transparence. Tout citoyen a le droit de contrôler par lui-même ou par l'intermédiaire de ses représentants, les députés, l'usage des fonds publics. Or, un arbitrage ne le permet pas. Et donc, l'un des reproches que lui fera ultérieurement la Cour des comptes dans un rapport, et ensuite ce sera l'un des reproches devant la Cour de justice de la République, si vous aviez un doute sur la légalité de l'arbitrage, pourquoi n'avez-vous pas saisi le Conseil d'État pour avoir un avis ? Or, elle a foncé tête baissée vers l'arbitrage, alors même qu'il y avait un problème de légalité, que ses services lui disaient non. Vous avez cité les rapports de M. Bézard, qui était à l'époque le patron de l'Agence de participation de l'État, qui disait note sur note, pas d'arbitrage, pas d'arbitrage, pas d'arbitrage. Mais imaginons même qu'elle était de bonne foi à l'époque. Elle se rend compte en octobre 2008... qu'elle a sans doute été trompée dans ce cas. Elle s'en rend compte pourquoi ? Par qui ? Parce que le CDR est informé en cours d'arbitrage, l'arbitrage n'est pas fini, que l'un des arbitres, vous l'avez cité, Pierre Estoupe, qui sera ensuite mis en examen, a manqué à ses obligations de transparence. Il devait dire, ah mais dans le passé, j'ai travaillé avec Maître Maurice Lantourne, qui est l'avocat de Tapie. Oh, il l'a caché. Et donc là, en octobre 2008, on connaît la sentence, 405 millions d'euros. On sait que c'est totalement ruineux. C'est beaucoup plus grave que les sanctions de la Cour d'appel de 2005. Et donc là, la ministre disposait, si elle était de bonne foi, d'un moyen juridique pour annuler. Ah pardon, je me suis trompé. Ça a coûté beaucoup plus cher que je ne pensais, mais en fait, il y a un arbitre qui a menti. Et donc, j'ai un motif de récusation. Or, le motif, non seulement elle ne le fait pas jouer, mais en plus, à l'époque, il y a des auditions devant l'Assemblée nationale. Et elle cache aux députés, à cette époque-là, qu'elle dispose de ce motif de récusation. Et donc, d'où la mise en examen, l'incrimination paraît curieuse, hein, j'ai dit mise en examen pour négligence, mais ça montre bien négligence ayant conduit à un détournement de fonds publics. Et donc l'incrimination, malgré tout, est très lourde. Et l'origine, c'est ce que je vous dis. La faute la plus grave, je pense, c'est qu'elle a caché, qu'elle disposait d'un motif de récusation. Et donc cette candeur qu'elle affiche n'a pas de justification. Alors si le pouvoir politique tire les ficelles du remboursement à Bernard Tapie, pourquoi ? Ah, écoutez, vous savez, dans une enquête, je pense qu'il y a un point commun entre les journalistes et parfois des policiers de la magasse financière. Il faut avoir une intuition de départ. Mais ensuite, quand on est journaliste, il ne suffit pas d'avoir une intuition pour ensuite pouvoir la mettre sur la place. Il faut avancer pas à pas, on tire un fil. Et donc, c'est une sorte de stratégie des petits cailloux, avancer méticuleusement pas à pas. Souvent, comme journaliste, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, il faut avoir une intuition de départ. Donc, je peux vous livrer mon intuition de départ, mais personne n'a trouvé. L'intuition de départ, c'est que maintenant qu'on sait que certaines campagnes présidentielles, notamment, ont été corrompues, on le sait pour celle de Balladur en 95, comme on le sait maintenant, et la justice enquête sur la campagne de Nicolas Sarkozy, je me dis, pourquoi est-ce qu'un chef de l'État ou un possible candidat, enfin ensuite quand il est chef de l'État, prend le risque majeur, alors que tous les services de l'État disent qu'il ne faut pas encourir ce risque, de suspendre le cours de la justice de la République, la justice ordinaire, pour aller vers un arbitrage privé. Pourquoi ? Et donc la question qui est posée, est-ce que Bernard Tapie tient d'une façon ou d'une autre Nicolas Sarkozy ? C'est ça l'interrogation. Mais oui, parce qu'en soi, Bernard Tapie ne représente plus que lui-même. Enfin, je veux dire, c'est pas un homme politique, il n'a pas de parti politique à sa solde. Nicolas Sarkozy rencontre Bernard Tapie pendant le premier semestre 2007. On le sait maintenant, c'est les agendas de Sarkozy saisis dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Cette fois, de janvier à juin 2007, Bernard Tapie n'est plus rien dans la vie des affaires, et n'est plus rien dans la vie politique. Cette fois, pour quelle raison ? Et c'est là-dessus, évidemment, que la baguette financière a enquêté, pour comprendre aussi les rendez-vous de Bernard Tapie avec Claude Guéant, qui est déjà à l'époque le principal collaborateur. Donc voilà, suivre l'argent. Et une partie de l'argent est compliquée, y compris si l'État un jour gagne. Vous savez qu'une partie de l'argent de Bernard Tapie est partie... Non pas en Suisse, maintenant c'est devenu un système un peu poreux. La justice sait qu'une partie de son argent maintenant est à Hong Kong. À l'abri, quoi. Donc voilà, c'est suivre l'argent et voir s'il y a eu éventuellement des retours de commission. Alors en 1994, au cœur de l'affaire, car c'est aussi l'idée de l'émission, c'est de nous renvoyer à ce que nous faisions tous à cette époque-là, notamment par la musique. Hein. On écoutait notamment Missing Everything But the Girl. I step off the train. Walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, donc, dans Affaires Sensibles, l'affaire Bernard Tapie, Crédit Lyonnais, notre invité Laurent Mauduit, donc journaliste qui a beaucoup enquêté sur cette affaire. Alors, le récit commence au début des années 90, mais il y a l'avant-début, ça s'appelle la genèse de l'histoire, avec la question centrale. Est-ce que le Crédit Lyonnais a, oui ou non, floué Bernard Tapie ? Donc il y a deux réponses. Il y a la réponse du journaliste. C'est vrai qu'on a une sorte de devoir de pour ceux qui nous lisent ou nous écoutent de remise en perspective. Donc c'est vrai que quand il y a une histoire longue, il faut contextualiser les choses et il faut raconter. Mais c'est pas seulement ce souci-là qui doit nous amener à nous replonger dans le récit que vous avez établi depuis le début des années 90, l'avant l'achat par tapis d'Adidas et ensuite sa cession à Robert Louis Dreyfus. Il y a un autre enjeu qui est un enjeu judiciaire aujourd'hui. C'est en clair, puisque maintenant il y a une présomption, des indices multiples du fait que l'arbitrage ait pu être frauduleux. La justice, aujourd'hui, les trois juges d'instruction se posent la question, mais est-ce que, en fait, la tromperie n'a pas commencé avant ? En clair, est-ce que Tapie a vraiment été floué ? Il y a beaucoup d'indices qui prouvent que non. Je vais très vite pour résumer, parce que l'affaire est très très complexe. Pour aller vite, Tapie fait au Crédit Lyonnais deux reproches. D'avoir manqué de loyauté à son égard et de s'être, comme on dit dans le jargon financier, porté contrepartie. C'est-à-dire d'avoir vendu pour son compte Adidas, mais en même temps, d'avoir cherché en cachette à racheter avec les deux fameuses coquilles financières que vous évoquiez, oui, les deux fonds offshore. Or, si vous vous replongez dans un rapport fait par un expert comptable qui avait été commandité par Eva Joly à l'époque juge d'instruction en 96, l'expert comptable explique très bien que ces deux structures offshore en fait sont imaginées par le Lyonnais non pas pour flouer Tapie mais pour le protéger. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez peut-être, donc c'est la fin des années Mitterrand, et à l'époque il y a au second septennat le fameux précepte du nini. Vous savez, oui, ni nationalisation, ni privatisation. Absolument. Donc il ne faut pas que le Crédit Lyonnais donne l'impression de racheter Adidas, parce que ça équivaudrait à une nationalisation. Et donc les deux coquilles sont inventées pour protéger Tapie, qui est par ailleurs au même moment ministre. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que Tapie va se prévaloir du système un peu tordu qui a été mis au point pour le protéger, pour ensuite pour dire « on m'a caché les choses ». Second argument, et là c'est une pièce que moi j'ai produite, vous avez signalé qu'en 2004, il y a une médiation. C'est Nicolas Sarkozy qui déjà veut aider, à l'époque il est ministre des Finances, il veut aider son ami Bernard Tapie, et il demande une médiation. À l'époque, il y a un magistrat qui l'a conduit, qui est M. Burgelin, qui depuis est mort, et puis un expert comptable, René Ricol, qui a eu une destinée ensuite connue sous le septennat, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Or, dans la médiation, M. Ricol envoie un questionnaire aux différentes parties prenantes de l'affaire, en disant « mais répondez-moi à mes questions ». Et M. Robert-Louis Dreyfus, qui depuis lui aussi est mort, renvoie... Alors, théoriquement, toutes les pièces ont disparu, puisque la médiation n'a pas abouti. Mmh. Moi, j'ai retrouvé un document qui n'a pas été détruit. C'est les réponses de Robert-Louis Dreyfus, et il dit, ce qui est décisif, et je sais que la police judiciaire garde cette pièce maintenant, je vous signale que la société Vendresse, en l'occurrence les représentants de M. Tapie, ont été partie prenante aux négociations de vente. Donc Tapie, plutôt son représentant, le patron de l'époque de Bernard Tapie Finance, était représenté aux négociations. Rien ne lui a été caché puisqu'il était dans la négociation. Très bien. Écoutez, Laurent Mauduit, merci pour tous ces éclairages. Alors, si l'affaire vous a paru un peu compliquée lors de son récit, c'est simplement qu'elle est compliquée. On a fait tout pour la rendre la moins compliquée possible. Donc, de deux choses l'une, vous réécoutez notre émission, Affaires Sensibles, le podcast, tranquille, phrase par phrase, pour bien comprendre. Ou alors, vous lisez le livre de Laurent Mauduit, Tapie, le scandale d'État, chez Stock, qu'on trouve dans n'importe quelle bonne librairie. Il me reste à vous remercier. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, une émission que vous pouvez réécouter, je vous le redis, en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.